Je pense que juste de s'approcher du soleil avec certains types de véhicules, on constaterait des changements au niveau de la perception. Le cerveau humain est extrêmement fragile. Peut-être c'est pas pour rien qu'on vit dans un environnement protégé. Mais dès qu'il y a des phénomènes électromagnétiques, par exemple, qui entrent en ligne de compte par rapport au cerveau, il y a des phénomènes étranges qui se produisent. Notamment de la précognition, puis des phénomènes bizarres. Il y a du monde même, tu sais, par rapport à des antennes à micro-ondes, des choses comme ça, ou pendant des crises d'épilepsie, vont voir des choses futures, des phénomènes étranges. Il y a quelque chose de lié à ça. Il semblerait aussi que, possiblement, si certaines montagnes sont très magnétisées, dépendamment là, les niveaux de fer qu'il y a dedans, puis que ça change la perception des habitants qui en approchent. Puis, je suis persuadé que le soleil, c'est un peu comme ça, mais puissance 10, puis que quelque part, les lois de la physique, comme on la connaît, quand on est rendu à une certaine distance, là, proche du soleil, là, notre physique, à nous, à un moment donné, cesse d'être valide. Parce qu'on n'est plus dans du aussi dense. On a abouti dans une autre physique plus subtile, tu sais, plus ce que j'appellerais vraiment là, la mécanique vibratoire qui fait, dans le fond, que notre univers existe en tant que perception, mais c'est pas qu'il n'existe pas en dehors de notre perception, mais c'est inconcevable, ça peut pas être perçu d'une façon parfaite ou,